Shall we put nigga? It's the same thing. Two fucking nine. Money of the bitches, nigga. Palace House says we chill. Shall we not build it? Who's that gonna put that, nigga? See you. Tap. Chill. I pump your TV. The life on you. Chill. I say I'm drug dealer. I say I'm money making. I say I'm bitch cooking. I say I'm body blacking. I say I'm trap style. I say I'm pump style. I say I'm hood style. I say I'm trap bossa bossa. I say I'm drug dealer. I say I'm money making. I say I'm bitch cooking. I say I'm body blacking. I say I'm trap style. I say I'm pump style. I say I'm hood style. I say I'm trap bossa bossa. No one man, I'm fucking what do be hand. Honey, enemy do bum, and ever be my day, and man. I get tip, I live a man, I'm busy, fair million, and man. Pali cafe, man, petan, et transit la chambre, man. STG, pas cap en pièce, nigo bambi, et man. Pendant yo, ka tripe, gamma, ka compte kilo, and man. En capon sakini, y'a prend pas sa fkaini de man. Et si nous, on bite, y'a fait fait, vite fait, bien. En sorti du talent là, qu'est transit la jambe, man. Si ou te cache, chercher problème, négo, c'est chicken food, ben moi. En te cache, chercher en cause, et c'est raison ou ben moi. En qu'en délire, si ou renommé, païen, ben moi. En kachou et renommé, elle veut pomme créole en moi. Combien de drogues, en qu'en vente pour moi, plus fine, millionnaire. En y en l'eau encore avant, avant, ben vie millionnaire. Et si y'en, encore riche, c'est qu'est-ce niche qu'on vous vend moi. En say un drug dealer, en say un money maker, en say un bitch cooking, en say un body blacking. Essayez goumé pour être rappé ça pas rien. En cas goumé pour être best up ça c'est un de bitin. En c'est rappé préféré, à rappé préféré. En c'est chopé préféré, à chopé préféré. En y love pour bloc en moi, chien la ribi ma bloc en moi. Si ou disrespect quelqu'un est obligé présenter au bloc en moi. Bitch in love pour coq en moi, c'est bon l'os à love drug en moi. Devant la loi et justice la pas qu'à bré c'est fuck en moi. En c'est un drug dealer, en c'est un money maker. En c'est un bitch cooking, I say I'm body blacking, I say I'm trap style, I say I'm pump style, I say I'm hood style, I say I'm trap bossa bossa, I say I'm drug dealer, I say I'm money making, I say I'm bitch cooking, I say I'm body blacking, I say I'm trap style, I say I'm pump style, I say I'm hood style, I say I'm trap bossa bossa. Big carré à mon abtusi, nan mwen ka apeste. Ani gon, ani kou, dok nego evite teste. Big up tout ghetto, la chikwa sa e ghetto SJ. Fi mai se en leuter, tu stagger ou NST. G, oh I die, top or die, top or jai. Pote gama life la have a femme la jai. La vie se en feke, i ou jou ver nou ka bile. La ri pa en je, se pou jou per vite pou pa bile. Carapé ta musique, carapé les combines. Pour un sorti de bug, trouver un nouveau combine. Sell back, sell crack, gambi back en larila. Capote gambou, évite la baka dans larila. A café son pendant ma kina, en fou en moi. A cabi gopto lar en attendant tout en moi. Si y'a pas arrivé au sommet, m'en fou en moi. A cabi gop de feu en attendant jour en moi. On say a drug dealer, on say a money maker. On say a bitch cooking, on say a body blacking. I say a bitch cooking, I say a body blacking, I say a trap style, I say a pump style, I say a hood style, I say a trap bossa bossa.